Les religions ne sont que le prétexte. L'homme est la cause. Il s'appuie sur ses saints textes pour excuser ses mauvaises choses. Protestants, catholiques, juifs, musulmans marchent ensemble depuis un bail. L'amour est ce jardin dont Dieu est le portail. Ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana. Regarde, ils tirent des pierres sur des enfants qui traversent leur quartier. Ils ont l'air bien en colère car ils partagent avec eux un passé lourd à porter. Quand dans une même religion la division pousse les frères à se haïr, alors là non, plus de pardon, plus question de bâtir mais de détruire. C'est ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana. Terroristes, kamikazes qui enlèvent la vie à de nombreuses personnes qui respectent celle-ci. Tu crois ta cause juste que ce n'est que justice, que l'évolution passe par ces sacrifices. Persuadés qu'une fois ton forfait accompli, tu atteins le plus haut rang du paradis. Mais dans son jardin, Dieu peut-il recevoir la visite de celui qui a fait le mal en sa gloire? Sens-tu l'amour de Dieu et son pouvoir? Nul besoin de ta justice, ni de ta gloire, non, ni de ta gloire. Ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana. Dieu, toi qui vois et qui sais tout ce qui se passe, oh oui Dieu, ne nous abandonne pas, non, dans cette impasse. Montre-nous le chemin, éclaire la voie, ton amour est ce soleil que chaque jour je reçois. Dans sa lumière, prions pour la paix, prions pour la fin de ces crimes commis en son nom. Ayana, ayana, ayana, Dieu est le portail. De l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana, ayana, ayana. Dieu est le portail de l'amour, allonge les batailles contre ceux qui prient et puis qui défouraillent. Au nom de Dieu, Dieu, ayana, ayana, ayana.